Alfred Wilmers à Théodore Dilling à Naples. Mon cher Théodore, combien de temps y a-t-il que je ne t'ai écrit ? 8 jours ou 24 heures ? Un mois peut-être, ou 10 ans ? Pourquoi ai-je en ce moment une plume entre les mains ? Pourquoi ne suis-je pas resté tendu sur mon divan, ce que je fais maintenant pendant des heures, à rêvasser sur ces moments adorables dont je rapporte le souvenir chez moi ? Qui m'aurait prédit cela il y a une semaine ? Ah, très bien, me voilà remis au courant de la marche du temps. Aujourd'hui, c'est de nouveau dimanche. Parfaitement, il n'y a pas plus de 8 jours que cela a commencé. Eh bien, mon cher Théodore, c'est une délicieuse idylle. Chaque jour ressemble au précédent. L'aventure ne semble pas devoir prendre fin. Il est même difficile de s'imaginer qu'elle ait eu un commencement. Oui, c'est ma vie, cette idylle. Je ne sens plus que ce n'est qu'une comédie. Quand, le soir, je mets mon large chapeau mou et mon costume de velours, il me semble que cela a toujours été ainsi. Et lorsque je me promène avec la chère créature, lorsque, bras dessus, bras dessous, nous flânons ensemble jusqu'aux portes de la ville ou dans les bois, c'est à peine si je me souviens que tout ce que je lui ai raconté de moi n'est que mensonge. N'y a-t-il pas quelque chose de vrai dans tout cela ? Et n'est-ce pas l'essentiel que depuis longtemps, bien longtemps, je ne me suis senti si heureux. Oui, c'est de nouveau l'amour de jeunesse, le premier amour, si l'on veut, que l'on peut vivre et revivre quand on est né sous une heureuse étoile, ou que le sort veut vous récompenser d'avoir eu une bonne inspiration. Sais-tu que par moments, je crois que ces dernières années, je marchais dans la vie sous un déguisement et que maintenant j'ai jeté le masque ? Je ne comprends pas moi-même les paroles qui me viennent aux lèvres, et les sensations qui m'enveloppent lorsque je suis avec elle. Quelles heures que celles que nous passons à la campagne. Dernièrement, un matin, nous nous sommes réveillés quelque part, pas loin de Vienne, dans un village où jamais n'est venu un Viennois, dans une petite auberge. Comme le ciel était beau, et comme il riait le rayon de soleil qui entrait par la fenêtre, nous fîmes transporter une table dans le verger pour déjeuner, comme le vent murmurait doucement à travers les arbres. Quand nous sommes loin l'un de l'autre, qu'elle retourne à son travail, et moi, soi-disant au mien, alors j'éprouve un besoin enfantin d'aller me promener sous ses fenêtres, rien que pour être plus près d'elle. Et le plus drôle, c'est que depuis hier seulement, je connais sa fenêtre. Je connaissais déjà sa rue, mais la fenêtre derrière laquelle elle travaille, il me fallait, c'était une des idées sentimentales qui se pressent dans son cerveau d'enfant, la découvrir moi-même. Je devais la reconnaître, si réellement je l'aimais. Et me voilà examinant les 76 croisées des 3e étage de toutes les maisons de la rue, et tu riras si tu veux, au milieu de ces 76 fenêtres, je les ai comptées, j'ai découvert la sienne. Elle était aux anges, lorsque je le lui annonçais. Je l'avais reconnue à cause des fleurs. Il faut que je te l'avoue, la nuit dernière, je me suis promené au clair de lune dans cette rue, et je suis resté planté devant sa fenêtre comme un imbécile. Ce qui rend l'aventure si extraordinaire et si nouvelle pour moi, c'est ce mélange d'amour jeune et pudique et de volupté expérimentée. Et pense donc que je suis aimé pour moi-même. Elle dépose 1000 baisers sur les violettes que je lui apporte. Et nos soirées sous les tonnelles des auberges des faubourgs, et mes récits, lorsque, assis tous les deux, devant un verre de Gespritzen, je lui parle de ma vie passée. J'espère que tu ne m'en voudras pas de t'avouer que c'est en partie ta biographie, et particulièrement tes années d'études et d'amour à Munich, dont je me sers en cette occasion, naturellement avec les variantes auxquelles m'oblige mon manque de mémoire. Je me permets de faire servir à mon usage les voyages à pied à travers la Thuringe et la Suisse, et même ton aventure à Genève avec ta peintresse anglaise. Dieu, comme elle est alors suspendue à mes lèvres, comme l'émotion se lit sur son visage. Puis je la fais parler encore d'elle, et souvent, je t'assure, les larmes me viennent aux yeux. Dieu, que souvent nous passons devant des tristesses remplies de douceur pour courir à des amusements insipides. Ma passion ne me rend pas aveugle, et je suis persuadé qu'il existe des centaines de créatures semblables à ma petite Joséphine. Il me semble parfois qu'à présent seulement la petite voit clair dans tout ce qui lui est arrivé jusqu'ici. Je sens combien elle m'est reconnaissante de la façon dont je me conduis vis-à-vis d'elle. Je me sens envahi d'une émotion toute particulière quand je pense à son avenir. Car vois-tu, je la quitterai un jour, je le sais bien. Je n'en aurai peut-être même pas beaucoup de tristesse, et c'est cela qui me fait mal, n'est-ce pas étrange? Quelquefois je me demande ce qu'elle ferait si brusquement je lui apparaissais sans mon déguisement. Tout le charme alors ne serait-il pas rompu? N'est-ce pas précisément ce déguisement qu'elle aime en moi? Elle serait, j'en suis sûr, douloureusement peinée, si elle s'apercevait combien nous sommes loin l'un de l'autre dans la vie, car elle s'est prise à aimer plus d'un événement de mon passé. Il y en a qu'elle prend plaisir à se faire raconter. Ainsi j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois déjà le récit d'une histoire invraisemblable. Je lui ai raconté que pendant quelques jours de désespoir, j'avais été tout près du suicide, parce que je mourrais presque de faim. Notre pauvreté nous rapproche. En ce moment, je crois qu'elle gagne de quoi se suffire et ne manque de rien. Mais tu n'as pas idée comme de temps en temps il me prend une envie folle d'assurer à la chère et pauvre petite une vie riche, exempte de soucis, et pourtant je n'ose pas, pour rien au monde, faire même la plus légère allusion dans ce sens, car alors tout serait fini. Elle accepte des fleurs, c'est tout. Un de ces jours, je risquerai un petit cadeau, un rien, par exemple un de ces petits cœurs en or qu'on porte autour du cou. Mais en voilà assez, d'autant plus que je ne puis pas t'expliquer tout cela en termes suffisamment clairs. Amour de jeunesse, je ne trouve pas d'autre expression. Je ne t'envie même plus Naples et les Napolitaines. Ce soir, nous retournons à la campagne. Je ne sais vraiment pas ce qu'est le plus de charme, les tendres moments passés dans les bois ou le retour. Nous sommes revenus déjà plusieurs fois de la campagne, en omnibus naturellement, c'est meilleur marché. Il ne faut pas dépenser tant d'argent, me disait-elle dernièrement, un jour que je voulais encore prendre une voiture. Sur ce qu'elle a pu faire avant de me connaître, je lui pose peu de questions. Il me suffit de sentir que je suis pour elle comme une sorte de rédemption. Je ne voudrais pas, à aucun prix, qu'elle n'eût rien à oublier. Ce ne serait pas alors la femme que je cherchais. Non, je n'aurais pas voulu d'une jeune fille que j'aurais séduite et qui m'aurait pleuré. Je veux être un des événements de ces années d'expérience, le meilleur, celui qu'elle ne pourra reprocher plus tard, ni à moi, ni à elle-même. Un jour, je disparaîtrai de son existence comme je suis venu. Dès que je sentirai que le dénouement approche, je m'en irai, et je lui écrirai d'où je serai, mais sans lui dire que je n'ai joué qu'une comédie. J'aurais été pour elle un beau rêve. Mais en voilà assez. Tu auras bientôt de mes nouvelles, mais pas de Vienne, car nous avons l'intention de nous retirer pour quelques jours à la campagne, en pleine solitude, sous les arbres, pour rêver doucement, comme dit le poète à la comtesse Mélanie. Au revoir, et écris-moi bientôt, Alfred.